appartient. Mama ya bananga, yo bolingo keto munu, sirvi monte mananga, lana linga kayo mingi, na jure. Mama ya bananga, yo bolingo keto munu, sirvi monte mananga, lana linga kayo mingi, na jure. Conquis mon cœur à ton premier sourire. Ta beauté m'inspire à te choisir d'être reine de mon cœur. Tu seras l'heureuse élue pour partager ma vie. Mama yo, petite fleur d'amour, reine de mon cœur. Fleur du soleil, au regard flamboyant, éblouissant, pleine de romance. Avec toi, je nage dans un océan d'amour. Mama ya bananga, yo bolingo keto munu, sirvi monte mananga, lana linga kayo mingi, na jure. Mama ya bananga, yo bolingo keto munu. Je t'ai promis l'amour, je te promets le bonheur. J'ai juré de t'aimer, bébé d'amour aux yeux, plein de tendresse. Tu as fleuri le jardin de mon cœur. Par ton amour, je t'aime, je t'aimerai toujours. Sylvie, maman, baby. Mama yo. Oh, oh.